Chapitre 7e, le qu'en dira-t-on ? La façon un peu cérémonieuse dont j'ai dérangé le tête-à-tête de Pascal et de Madame Lobligeois a eu pour première conséquence de me brouiller avec ma voisine. Depuis mon apparition intempestive sur le balcon, Madame Sabine me bat froid. Elle ne me pardonne pas d'avoir mis le doigt entre l'arbre et l'écorce, et sa rancune de dévote, prise en flagrant délit de péché mortel, est encore accrue sans doute par un violent accès de jalousie féminine. Elle me mesure à son aune et me soupçonne de vouloir accaparer Pascal No. De là, une haine sourde qui s'est déjà traduite par un commencement d'hostilité. Coups de patte hypocrites, insinuations malveillantes, insupportables taquineries domestiques, défiances injurieuses, rien n'y manque. Quand ses enfants veulent s'approcher de moi, elle les rappelle avec des cris d'effroi, comme si j'étais une pestiférée. Sa bonne invente toutes sortes de petites avanies pour faire enrager ma pauvre naniche. Il n'y a pas jusqu'au concierge qu'elle a su indisposer contre moi, à l'aide de je ne sais quel sot commérage, et qui maintenant me regarde de travers. Voilà plusieurs mois que dure cette guerre à coups d'aiguille, et comme la patience n'est pas ma maîtresse qualité, je commence à m'irriter et à me rebiffer. Ma première intention après la scène du balcon avait été d'interdire ma porte à Pascal No. Mais les méchancetés de Madame Sabine ont produit un mouvement en sens contraire. Les ridicules soupçons de ma voisine m'ont inspiré de secrètes velléités de bravade, et, moitié défi, moitié commisération, je n'ai point signifié son congé à Pascal quand il est revenu, timide et contrit, me rapporter les copies. Il faut que l'esprit de contradiction soit bien le fond de la nature féminine, pour qu'en cette circonstance j'aie résisté au conseil de la prudence la plus élémentaire. Bien que Leclerc soit devenu le plus réservé et le plus discret des visiteurs, il n'est que trop évident pour moi qu'il s'est mis en tête de m'aimer. Je le devine aux inflexions de sa voix, à son regard, à ses moindres gestes. Toute sa personne dégage une odeur d'amoureux qui devrait m'inspirer cette crainte religieuse qui est le commencement de la sagesse et malgré tout cela, je me complais dans le voisinage du péril, poussé que je suis par le malin désir d'être désagréable à ma voisine. Quand Pascal No vient chez moi, je ne manque pas de le faire asseoir au piano et de lui demander de me jouer ses récentes compositions. J'y trouve, comme dans la fable de Bertrand et Raton, double profit. Mon bien, premièrement, puis le mal d'autrui. Cette musique me semble moins périlleuse que les hasards de la conversation. En outre, Madame Lobligeois entend les accords du piano, elle sait qu'elle est l'exécutant, il doit enrager, ce qui me procure une légère satisfaction. Et pourtant, quand Pascal est parti, quand je referme le couvercle sur le clavier encore frémissant et que je rentre moi-même, une petite voix aiguë s'élève au-dedans de moi et me dit sévèrement « Es-tu bien sûr, Geneviève, d'obéir seulement à un innocent désir de contradiction ? N'y a-t-il pas autre chose dans ce plaisir que te donne la musique de Pascal, et le musicien n'est-il pour rien dans cette affaire ?» Tandis que le clerc de Maître Plumerel te joue ses plus doux airs, tu joues, toi, un jeu dangereux, ma fille. Et au demeurant, tu n'es pas pétrie d'une autre pâte que la grande majorité des descendants d'Ève. Avoue franchement que tu sens une sympathie très tendre pour ce sauvage compositeur de mélodies rustiques. Eh bien oui, quand je veux être sincère avec moi-même, je reconnais que la satisfaction de faire enrager Madame Lobligeois est pour peu de chose dans l'émotion que me donnent les visites de M. Pascal. Je ne suis pas méchante. Il y a longtemps que le plaisir de dépiter Madame Sabine n'aurait plus de sel. Si je ne goûtais que cette saveur-là dans les stations du musicien à mon piano. Il y a autre chose, un je ne sais quoi qui me semble à la fois charmant et redoutable. C'est Musset, je crois, qui a dit « Il n'y a rien d'aussi dangereux qu'une voisine, fût-elle laide. À force de la voir sans cesse, il arrive tôt ou tard un jour où on finit par la trouver jolie. » Je commence à reconnaître qu'il en est de même d'un visiteur assidu. Depuis le mois d'août, les visites de Pascal No se succèdent avec une ponctualité remarquable. Trois fois la semaine, il arrive chez moi entre 1h et 2h, et je me suis fait de ces heures d'intimité une habitude qui m'est chère. Je reconnais son coup de sonnette et je l'attends avec une impatience singulière. Tout l'automne s'est passé ainsi. L'hiver est venu, et les mauvaises journées de brouillard et de pluie m'ont paru moins tristes que l'an passé. Il me semble maintenant que je suis moins seul. Je ne sais si mon musicien s'est formé aux belles manières comme c'était son ambition, mais je le trouve moins gauche, moins lourd qu'autrefois. À mes yeux, sa rusticité a disparu, ou du moins, il n'en est resté que ce parfum un peu âpre qui fait le charme des plantes sauvages. Est-ce la civilisation parisienne qui transforme Pascal, ou est-ce mon sang paysan qui reprend le dessus? Il me semble que de lui à moi, les inégalités s'effacent, et qu'en revanche, de secrètes affinités s'établissent. Nous causons peu, notre conversation n'est jamais bien animée, soit parce que le clerc n'est pas brillant causeur, soit parce que nous redoutons d'aborder certains sujets. À peine arrivé, sous le premier prétexte, il s'assied au piano et se met à jouer. Une fois les doigts sur le clavier, Pascal devient un autre homme. Il ressemble en cela au rossignol qui n'est réellement beau que lorsqu'il chante. La musique le transfigure. Ce n'est plus le clerc de Maître Plumerel, aux cheveux en tête de loup, aux vêtements achetés à la belle jardinière, à la parole embarrassée. C'est un sylvain qui s'est échappé de ses bois, tout grisé par la sève forestière, et qui se répand en mélodies tantôt tendres et murmurantes comme le vent dans les feuilles, tantôt sauvage et passionné comme les forces de la nature au printemps. Enfoncé dans mon fauteuil bleu, les yeux demi-fermés, j'écoute cette musique et je la savoure. Le feu crépit doucement dans la cheminée. Un bouquet de violettes répand une tiède odeur sur ma table. Je me sens si profondément heureuse que je n'ose plus bouger, et quand la musique est finie, je suis si émue que je n'ose plus parler de peur que ma voix ne trahisse mon émotion. S'aperçoit-il de mon trouble? Je ne sais trop. Le plus souvent, il murmure deux ou trois mots d'adieu assez embrouillés, prend son chapeau et me quitte brusquement. Quand il est parti, je me renfonce dans mon fauteuil, et les mains sur les yeux, je pense, ou plutôt je rêve, et ma rêverie me trouble presque autant que la musique. Est-ce que vraiment ce serait de l'amour? En serais-je déjà arrivé là, après toutes les belles résolutions que j'avais prises? Dans tous les cas, ce ne peut être un amour bien dangereux, puisqu'il est silencieux et renfermé de part et d'autre. Timide comme est Pascal, réservé et fier comme je le suis, il n'y a pas grand péril à tout cela. Et ce demi-danger, à peine effleuré par la pensée, de temps en temps a des douceurs si exquises. Je songeais à toutes ces choses ce matin au coin de mon feu, quand l'abbé Micot est arrivé à l'heure du déjeuner. C'était son jour de répétition à l'école Bossuet, et comme je m'attendais à sa visite, Naniche l'avait préparé son plat de prédilection, les andouillettes sur le grill. Au moment où le mets favori a fait son apparition dans la petite salle à manger, en répandant un gras parfum appétissant, j'ai regardé l'abbé, et à ma grande stupéfaction, je n'ai pas vu ses narines se dilater, ses yeux s'illuminer. Il restait rêveur, presque soucieux, et faisait sa lippe des jours de mauvaise humeur. « Qu'avez-vous, monsieur l'abbé ? » ai-je demandé, après avoir constaté qu'il mangeait du bout des dents. « L'andouillette n'est-elle pas grillée à votre gré ?»« Si fait, ma chère enfant, si fait. Mais je ne me sens pas en appétit. Êtes-vous malade ? Physiquement non, moralement oui. » a-t-il répondu avec un laconisme qui ne lui est pas habituel. « Ah mon Dieu, mon pauvre monsieur l'abbé, que vous est-il arrivé ?»« Rien, à moi personnellement du moins. » Il s'est tu et a continué de manger d'un air préoccupé, ne s'interrompant que pour pousser de profonds soupirs. Quand Naniche l'a versé son café, il ne s'est même pas déridé. Dès que ma bonne a été partie, il a porté machinalement sa tasse à ses lèvres, puis la reposant brusquement sur la soucoupe et regardant du côté de la porte pour s'assurer que nous étions seuls, il a murmuré, comme s'il achevait un sermon déjà longuement ruminé en son par-devant. « En vérité, ma bonne fille, ne trouvez-vous pas que ce jeune homme vient ici un peu trop souvent ?» Cette soudaine question m'a tellement ébobie que je l'ai regardé avec l'air d'une personne qui tombe des nues. « Quel jeune homme ?»« Monsieur Pascalneau, naturellement, » a-t-il répliqué en me dévisageant. « Je ne suppose pas qu'il y en ait d'autres. » « Mais M. Pascal ne vient pas ici plus souvent que d'habitude, » me suis-je récrié en rougissant. « Il m'apporte des papiers timbrés à copier, comme il le fait depuis bientôt un an. Et c'est la première fois, Monsieur l'abbé, que vous vous étonnez de ses visites. Qu'ont-elles donc de si répréhensibles ?»« Rien pour moi qui vous connais, ma chère enfant, mais pour le monde qui juge sur les apparences. Le monde, quel monde ? Je ne connais personne, et l'opinion des étrangers m'est fort indifférente. » »« L'opinion publique n'est jamais indifférente. » Et dans votre situation, mon enfant, vous êtes tenu à plus de réserve encore que les autres. Or, les fréquentations assidues d'un homme jeune chez une jeune femme séparée de son mari sont toujours peu charitablement interprétées. Elles peuvent, à tort, j'en conviens, être une occasion de scandale pour les domestiques, pour les voisins. Ce dernier mot était pour moi un trait de lumière. J'ai bondi sur ma chaise et je me suis écrié. « Ah, les voisins, il y a du lobligeois là-dessous. C'est cette dame qui se scandalise. Je comprends maintenant. » « Je ne nomme personne, » a répliqué prudemment l'abbé en baissant son nez sur sa tasse. « Mais enfin, ma bonne fille, je ne dois pas vous cacher qu'on en cause dans votre voisinage. » « Madame Sabine l'obligeois. » Et je repris en haussant les épaules. « La bonne âme, cela lui sait bien de se scandaliser à elle que j'ai surprise en train de roucouler avec Monsieur Pascal. »« Que me dites-vous là, mon enfant ?» s'est exclamé l'abbé d'un ton choqué. « Je dis la vérité. » Et si je n'étais pas arrivé, Dieu sait jusqu'où les choses seraient allées. Le pauvre monsieur l'obligeois me doit un fameux cierge. Chut, chut, ma bonne fille, il ne faut pas parler de ces choses-là. Elle en parle bien, elle, et pour dauber sur mon compte. Elle a tort, assurément. Mais enfin, les fautes des uns n'excusent pas les étourderies des autres. Et en recevant ce jeune homme, convenez que vous avez agi un peu étourdiment. Ce garçon a 25 ans, vous en avez 28, vous êtes fait de chair l'un comme l'autre, et pas plus l'un que l'autre, n'êtes à l'abri des tentations. Le cœur peut parler avant que la raison ait le temps de lui imposer silence, et dans votre position, ma chère enfant. Ma position, dis-je furieuse, elle est absurde, ma position, voilà tout. Elle est ce que l'on fait la volonté de Dieu et la loi des hommes. Elles sont jolies, vos lois, parlons-en. Parce que j'étais marié tout de travers, un homme qui se soucie de moi comme d'une paille, vos lois me condamnent à rester seul et sans affection toute ma vie, sous peine de scandaliser de pieuses personnes de l'espèce de Madame l'obligeois. Voyons, la main sur la conscience, monsieur l'abbé, est-ce que ce ne serait pas une loi plus équitable, celle qui permettrait à deux époux mal assortis de rompre une bonne fois des liens qui ne les unissent plus que pour la forme? Ma bonne fille, ce que Dieu a une fois lié, l'homme ne peut le séparer. Mais si le nœud a été mal fait, c'est que Dieu n'y a été pour rien, car vous admettez bien que Dieu, qui est infiniment juste et intelligent, n'a pu nouer nos liens tout de travers. A murmuré l'abbé en se grattant la tête. Le raisonnement est spécieux. Il est certain qu'il y a des cas. Mais alors l'Église est seule juge, et d'ailleurs tout cela est inutile puisque les lois civiles elles-mêmes ont déclaré le mariage indissoluble. Et voilà précisément ce qui est absurde et immoral. Avouez qu'il vaudrait mieux permettre à des époux mal mariés et séparés en fait de rompre leur mariage, plutôt que de les condamner à pâtir toute leur vie s'ils sont d'humeur résignée ou à se mal conduire s'ils succombent à la tentation. Il y a certainement des conjonctures fâcheuses, je vous l'accorde. Eh bien, si vous admettez le mal, il faut aussi admettre le remède. Quel remède? Le divorce, naturellement. Dieu nous en préserve! S'est écrié l'abbé avec horreur. Alors vous n'êtes pas logique, monsieur l'abbé, car enfin. Mais l'abbé n'admet pas la discussion, surtout lorsqu'il s'aperçoit que les arguments de son adversaire lui donnent tort. À quoi bon toutes ces paroles en l'air? A-t-il repris en agitant avec humeur sa cuillère au fond de sa tasse. Le divorce n'existe pas chez nous, Dieu merci. Et vous ne changez pas les lois, n'est-ce pas? Il faut donc vivre avec elle et prendre votre position pour ce qu'elle est. Eh bien, je reviens à ce que je vous disais en commençant. Les visites assidues de M. Pascalneau font jaser à tort ou à raison, et en conscience, vous devez les faire cesser. Supposez que ces commérages viennent aux oreilles de la vénérable Madame de Seigneul. Elle demeure très rigide, et elle hésiterait à recevoir une personne qui serait en butte à des insinuations, même calomnieuses. Vous risquez donc de compromettre votre situation chez elle en autorisant de sots commentaires et en prêtant le flanc au « qu'en dira-t-on ? » Voilà pour le côté purement matériel. Mais il y a d'autres considérations plus sérieuses encore. Il y a votre réputation, votre repos, le respect que vous devez à vous-même et que vous devez à l'opinion publique. Réfléchissez à tout cela, ma bonne fille. Mais, dis-je dépité, comment voulez-vous que je m'y prenne pour mettre brusquement à la porte de chez moi un honnête garçon qui s'est toujours conduit de la façon la plus convenable, qui m'a rendu service et que j'ai mortifié cruellement en lui donnant si brutalement congé? L'abbé a regardé sa montre et s'est levé. C'est fâcheux, j'en conviens, mais il le faut. Faites-le, mon enfant, pour vous d'abord, pour ce jeune homme ensuite, qui me paraît de nature à se leurrer d'une illusion regrettable, et puis aussi un peu pour moi, qui ai l'air, en venant chez vous, d'autoriser de pareilles assiduités, ce qui est contraire à mon caractère et ma pensée. Là-dessus, il m'a serré la main et il est parti, me laissant nerveuse, mécontente de lui et de moi, furieuse contre Madame Lobligeois, contre Pascal, contre le monde entier. J'allais venir à travers ma chambre, poussant les fauteuils, rangeant avec rage les bibelots de ma cheminée, m'en prenant à mes pauvres meubles qui n'en peuvent mais. Voilà donc ma situation, pensais-je. Je suis honnête, je vis tranquille dans mon coin, et malgré cela je ne puis échapper à la calomnie. Ma destinée est ainsi faite que je ne puis même avoir une affection innocente sans être une pierre de scandale, et ce sera ainsi toujours, toujours. En ce moment, la sonnette de l'antichambre a tinté. C'était Pascal No. J'ai reconnu sa façon de sonner, et debout, devant ma cheminée, le cœur battant, les mains un peu tremblantes, j'ai attendu que Naniche l'introduisît chez moi.